La samba merengue à bord du boulingue qu'on avait oublié. On se parlait très fort, la musique en accord. On avait l'air de rien, on était des copains. C'était pas le hasard qu'on frôlait la guitare. On battait le tempo, assis sous des tréteaux. Le vent nous emportait, le vin faisait rêver, à l'abri des rochers, les vagues qui s'étalaient. Salsa dans un bar quelque part. J'avais imaginé, on était fou de tout, fou de l'amour surtout. À l'abri des regards, le soir dans un hangar, on faisait pas à pas au rythme cha-cha-cha. On écoutait de loin la radio du voisin. On n'avait pas besoin de se dire que c'est bien. On se faisait parfois des signes de la main. Hey!